Bethléem, note de voyage, par Pierre Loti. C'est vers 3 heures, sous un soleil enfin sorti des brumes matinales et redevenu très ardent, que nous arrivons à Bethléem par une poussiéreuse route. Tandis que notre camp se monte à l'entrée de la ville et au bord du chemin, comme c'est la coutume, dans un de ces enclos d'oliviers qu'on aborde nos voyageurs de passage, nous pénétrons à cheval dans les rues. Plus rien de l'impression première, bien entendu. Elle n'était pas terrestre et s'en est allée à jamais. Cependant, Bethléem demeure encore, au moins dans certains quartiers, une ville de vieil Orient à laquelle s'intéressent nos yeux, comme à Hébron, des cubes de pierre voûtés de pierre qui semblent n'avoir pas de toiture, des passages étroits et sombres où les pieds de nos chevaux glissent sur de gros pavés luisants, de hauts murs frustes qui paraissent vieux comme Hérode et où s'ouvrent de très rares petites fenêtres cintrées. « Ah, Démograbi !» disent les Syriens, assis sur les portes, en nous regardant venir. Entre les maisons, la vue, par échappée, plonge sur l'autre versant de cette montagne qui supporte la ville, et là, ce sont des jardins et des vergers, s'étageant en terrasses sans fin. La beauté et le costume des femmes sont tout le charme spécial de Bethléem. Blanche et rose, avec des traits réguliers, des yeux en velours noir, elles portent une haute coiffure rigide, pailletée d'argent ou d'or, qui est un peu comme le hennin de notre Moyen-Âge occidental, et que recouvre un voile à la Vierge, en mousseline blanche, au grand pli religieux. Leur veste, d'une couleur éclatante et couverte de broderies en style ancien, a des manches qui s'arrêtent au-dessus du coude. C'est pour laisser échapper les très longues manches pagodes, taillées en pointe à la façon de notre 15e siècle, de la robe d'en dessous qui tombe droit jusqu'au talon et qui est généralement d'un vert sombre. Dans leurs vêtements des âges passés, elles marchent lentes, droites, nobles, et avec cela, très naïvement jolies, toutes, sous la blancheur de ces voiles, qui accentuent une étrange ressemblance, quand surtout elles tiennent sur l'épaule un petit enfant. On croit, à chaque tournant des vieilles rues sombres, voir apparaître la Vierge Marie, celle des tableaux de nos primitifs. Des voitures de l'agence Cook, des fiacres remplis de touristes pour lesquels il faut se ranger sous les portes, une odieuse enseigne en français, un tel fabricant d'objets de piété à des prix modérés. Et enfin, nous mettons pied à terre sur la grande place de Bethléem, que ferment là-bas les murs sévères de l'église de la Nativité. Il y a des hôtels, des restaurants, des magasins de ventures européennes remplis de chapelets. Il y a une station de fiacre et une quantité de ces êtres, d'une effronterie spéciale, qui font métier d'exploiter les voyageurs. On est admis par petits groupes et à son tour dans l'église et la grotte de la Nativité, qui confine à un grand couvent de franciscains, pilotes de ces saints lieux. C'est notre tour à présent de visiter. On nous appelle, on va nous conduire dans la grotte où le Christ est né. Elle est triple, l'église, latine, arménienne, grecque. Ces trois parties, distinctes et hostiles, communiquent ensemble. Mais un officier et des soldats turcs, constamment armés, circulent de l'une à l'autre pour maintenir l'ordre et empêcher les batailles entre chrétiens des différents rites. La grotte s'ouvre en dessous, tout à fait souterraine aujourd'hui, et vraisemblablement elle est bien, comme l'attestent des traditions du 2e siècle, le lieu de la naissance du Christ, car jadis, à l'entrée de la Bethléem antique, elle servait d'abri aux voyageurs pauvres qui n'avaient pas place à l'hôtellerie. Deux escaliers y descendent, l'un pour les Latins et les Arméniens, l'autre pour les Grecs. La porte étroite en est de marbre blanc. Toutes les parois en sont crassées, usées par les milliers d'êtres qui sont venus, en groupe ou en procession, depuis les premiers siècles chrétiens. Elle se compose d'une quantité de petits compartiments, de petits couloirs, où sont des hôtels et où brûlent des lampes. La voûte irrégulière du rocher, humide et suintante, apparaît çà et là, entre les tentures de damas fanées. Partout des dorures communes, des petits tableaux, des chromos vulgaires. Au moins attendions-nous un luxe archaïque, une splendeur, de l'or entassé, comme dans la crypte du Sinaï. Mais non, rien. Bethléem a été pillée, et repillée tant de fois, que tout y est pauvre, laid, à peine ancien. Ici, l'enfant est né, explique le moine. Ici, il a été posé dans sa couche. Ici, les rois mages s'assirent. Ici, se tenaient l'âne et le bœuf. Distraitement, l'esprit fermé, le cœur mort, nous l'entendons sans l'écouter, impatient de partir. Au-dessus de la grotte, les trois églises où l'on officie et psalmodie en même temps, suivant des rites divers et avec la haine du voisin, sont banales et quelconques. Dans l'église grecque, devant l'antique tabernacle tout d'or, une furtive impression religieuse à demi païenne nous arrête un moment. Un très vieux pope est là, qui chante vite, vite, d'une haute voix nasillarde, dans un nuage d'encens, et la foule, à chaque verset, se prosterne et se relève. Femme de Bethléem, portant toute, sur le hennin pailleté, le long voile à la Vierge. Arabes convertis, aux yeux de foi naïve, inclinant leur turban jusqu'à terre. Nous nous échappons par une quatrième église, splendide celle-là, et vénérable entre toutes, mais vide, à l'abandon, servant de vestibule aux premières. Basilique commencée par sainte Hélène, achevée vers l'an 330 par l'empereur Constantin, et où, 8 siècles plus tard, le jour de Noël 1101, Baudouin Ier fut sacré roi de Jérusalem. Elle est un des sanctuaires chrétiens les plus anciens du monde. Elle a 2 siècles de plus que la basilique du Sinaï. Épargnée par Saladin et par tous les conquérants arabes, miraculeusement préservée des destructions d'autrefois, elle n'a subi de réels dommages qu'au commencement de notre siècle, de la part des Grecs contemporains qui en ont muré le cœur pour y faire leur mesquine petite église d'aujourd'hui. Elle est d'une grandeur simple et élégante. Elle garde quelque chose de la Grèce antique, avec sa quadruple rangée de sveltes colonnes corinthiennes, et au-dessus des chapiteaux d'acanthe, sur les murailles des nefs, sont en partie restés les revêtements de mosaïques d'or qui y fit placer, à la fin du XIIe siècle, le seigneur Amaury, grand roi de Jérusalem. L'encens des sanctuaires voisins l'embaume discrètement, et on y entend le bruit des psalmodies atténués en murmures. Maintenant, nous n'avons plus rien à voir qui nous intéresse dans cette Bethléem profanée, et il nous tarde d'en sortir. Sur la place, nous remontons à cheval, mais sur le soir, au crépuscule limpide, tandis que nous songeons devant nos tentes, accoudés comme à une terrasse, au petit mur qui sépare de la route notre enclos d'olivier, voici que la notion du lieu où nous sommes nous revient lentement, très particulière et de nouveau presque douce. Un peu en recul, là-bas, sur notre droite, les premières maisons de Bethléem, carrées et sans toiture, à elles seules dénonçant la Judée. Sous nos pieds, un grand panorama qui d'abord descend en profondeur, puis, qui dans les lointains, remonte très haut par plans de montagnes étagées. Toute une campagne paisible, mélancolique, d'oliviers et de pierres surtout, de pierres grises, dont les pâles nuances semblent vaporeuses dès que tombe le jour. Et dominant tout, à d'inappréciables distances, la grande ligne bleuâtre des montagnes du Moab qui sont sur l'autre rive de la mer morte. On entend partout sonner les clochettes de troupeaux qui reviennent des champs et au loin des cloches de monastères. Ils arrivent, les troupeaux. Ils commencent à passer devant nous avec leurs bergers et c'est un défilé presque biblique qui se prolonge là, sous nos yeux, dans une lumière de plus en plus atténuée. Très imprévu, passe aussi une 50aine d'enfants qui dansent en chantant cette vieille chanson de France « Au clair de la lune, prête-moi ta plume ». L'école chrétienne qui revient d'une promenade. Une 50aine de petits arabes convertis, habillés à la mode d'Europe. Les frères qui les conduisent chantent le même air et le dansent aussi. C'est étrange, mais c'est innocent et c'est joyeux. Ensuite, reprend le cortège plus grave, plus archaïque, des bêtes et des bergers. Les détails de ces campagnes immenses, déroulées devant nous, se fondent dans le crépuscule envahissant. Bientôt, les grandes lignes des horizons demeureront seules, les mêmes, immuablement les mêmes qu'au temps des croisades et au temps du Christ. Et c'est là, dans ces aspects éternels, que réside encore le grand souvenir. Bethléem, Bethléem, ce nom recommence à chanter au fond de nos âmes moins glacées, et dans la pénombre, les âges semblent remonter silencieusement leur cours, en nous entraînant avec eux. Sur la route, des laboureurs et des bergers défilent encore, en silhouette antique, devant les grands fonds des vallées et des montagnes. Vers la ville, tous les travailleurs des champs continuent de s'acheminer. Tenant leur enfant au cou, ou bien le portant à l'égyptienne, assis sur l'épaule, passent lentement, avec leurs longs voiles, leurs longues manches, les femmes de Bethléem. Bethléem, ce nom chante à présent partout, en nous-mêmes, et dans nos mélancoliques alentours, au bruissement des grillons, au sonnail des troupeaux, au tintement des cloches d'église. Les temps semblent plus jeunes de 18 siècles. Et maintenant nous envisageons avec une plus impartiale douceur ce lieu unique au monde, que l'église d'ici, ce lieu rempli éternellement d'un parfum d'encens et d'un bruit chantant de prières. Bethléem, Bethléem, une nuit plus tranquille qu'ailleurs nous enveloppe. Tout se tait, les voix, les cloches et les sonnailles des troupeaux. Dans un recueillement infini et un hymne de silence monte de la campagne antique, du fond des vallées pierreuses, vers les étoiles du ciel. Ainsi s'achève Bethléem, note de voyage, par Pierre Loti.